En novembre 2012, je vous racontais comment une équipe franco-américaine était parvenue à détecter les oscillations acoustiques baryoniques grâce à l'utilisation de 50 000 quasars lointains. Et ces oscillations acoustiques baryoniques, qui se matérialisent par une certaine répartition des galaxies et des masses de gaz dans l'univers, permettent en outre de déterminer le taux d'expansion de l'univers à une certaine époque de son évolution. Pour une explication claire de ce que sont les oscillations acoustiques baryoniques, je ne peux que vous renvoyer vers un excellent article dont le lien est dans ce poste. Un an et demi plus tard, la même équipe poursuit dans sa lancée, toujours avec les données du Sloan Digital Sky Survey, SDSS-3, mais cette fois-ci avec trois fois plus de quasars. 137 562 pour être exact, c'est considérable. La technique employée consiste à mesurer comment la lumière de ces quasars est atténuée au cours de son trajet entre son départ et son arrivée dans nos télescopes. C'est en mesurant le spectre des quasars en spectrographie que l'on parvient à voir toute une forêt de raies d'absorption caractéristiques de l'hydrogène intergalactique, ce qu'on appelle les raies Lyman-alpha. Cette information permet de déterminer la quantité et la répartition de la matière, et de là, on en déduit les caractéristiques des oscillations acoustiques baryoniques. Le taux d'expansion est ensuite évalué à partir de la distribution et de la forme de ces oscillations acoustiques baryoniques. Cela fait environ 5 milliards d'années que l'expansion de l'univers s'accélère, grâce à ou à cause de la mystérieuse énergie noire. Auparavant, l'expansion ralentissait. Et c'est justement à une époque où l'expansion ralentissait encore que ces observations s'intéressent. Le taux d'expansion a pu être mesuré à un redshift, un décalage vers le rouge de Z, de 2,34, soit il y a environ 11 milliards d'années. Timothée de Lubac et ses collègues trouvent que ce taux d'expansion valait alors à cette époque 222 km par seconde par mégaparsec. Ce qui fait, en termes un peu plus communs, sachant que 1 mégaparsec est égal à 31 milliards de milliards de kilomètres, une expansion de 1% tous les 44 millions d'années. Le taux d'expansion aujourd'hui, bien qu'accélérant, est trois fois plus faible qu'alors. Il vaut actuellement 71 km par seconde par mégaparsec. Le programme du Sloan Digital Sky Survey utilise le télescope de 2,50 m de la Sloan Foundation. Cette nouvelle mesure est fondée sur les données du BOSS, Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, qui est l'un des quatre surveys du SDSS-3. Il met en œuvre les techniques développées depuis 2005 qu'on appelle les oscillations baryoniques acoustiques, ou BAO. Ou comment de toutes petites variations dans la distribution de matière de l'univers très primordiale permettent de comprendre la taille de l'univers à différentes époques de son histoire. Les mesures de BOSS montrent très clairement que l'expansion ralentissait il y a 11 milliards d'années, du fait de l'attraction mutuelle de toutes les galaxies de l'univers. Et quand l'univers s'est étendu, la force répulsive, constante, associée à cette fameuse énergie noire, a commencé à dominer sur la force de gravitation, et l'expansion à devenir constante durant un temps très court, puis accélérant à jamais. Alors on retrouve cette information, cet article sur le site de Preprint Archive, un article qui s'appelle Baryon Acoustic Oscillation in the Lyman-alpha Forest of BOSS, DR11 Quasars, par Timothée Delbach et ses collègues, et qui devrait paraître dans Astronomy and Astrophysics.